Écoute. Ok, hey. On a l'âge de nos actes, la sagesse de leurs conséquences. Peut-être qu'on serait différent loin de nos actes. Peut-être, mais ce qui est sûr, que l'homme qu'on devient dépend de môme qu'on a été, ces putains de blessures. Ma daronne voulait que je devienne tout bip ou baveux. J'ai fait un beat grave, l'école et moi, c'est Arafat et Sharon. Désolé, monsieur le commissaire, y'a que sur le beat que je passe aux aveux. La couronne du braque nerveux, donc m'aura pas la testostérone. J'étais un merdeux, plein d'attitude, peu d'ambition. Cosmardeux, j'ai fait mes études dans un buisson. La putain de cuisson, tu connais le son. On l'aime saignant dans le coin, les mots crus, la tête brûlée à point sous le bonnet. Check, 1, 2, on est. Microphone, talk, sourd, connect. Si t'es taille, t'es rare comme une putain sans proxo. On est en 95, le morceau, c'est pas le trap puissant. J'fais mes 20 piges au poste, menottes serrées jusqu'au sang. La chasse aux flous assassine l'innocence. Comme grandir près des picous à l'âge bête dans une partouze. Perdre son bus, lâche, traite. L'oreille épouse ma cause ou pas. J'm'apprête à faire pousser des roses sur un tas de bouse. J't'emmène à virer dans les rues de ma vie. Dans ce monde, j'purge ma peine. J'sais pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'ai crié ma prose dans les rues de la vie. J't'emmène à virer dans les rues de ma vie. Dans ce monde, j'purge ma peine. J'sais pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'ai crié ma prose dans les rues de la ville. La dalle, je connais, j'en parle peu. Pas respect pour mes géniteurs, la drogue comme thérapeute. À la banque de la morale, je suis débiteur, mec. Petit peu, je dérape dans le collimateur des Schmitts. Glisse sur un terrain rappeux, c'est dans mes raps que ça se ressent. J'ai eu le vice précoce, l'odeur du sang, la pisse, les plans stressants. Depuis qu'on est gosse, mes frangins et moi, trop nombreux et pas numérotés. On a expérimenté le joueur, a déjà tout jeune, ça carottait. Y'avait de la joie dans nos trois rats. C'était loin d'être trio, enfance bercée par les cris, menace d'expulsion du proprio. On aime la vie, alors on se cramponne, prend la foudre, pas la crinière. Même paralysé par une rafale dans la moelle épinière, je m'en tamponne. Achille obsédé, fallait le présage. Gamin, j'ai fait des tonnes de trucs avec une conne plus âgée. Je reste enragé, je vous emmerde. Ce rap, c'est mon blues sur ma mère. Je m'apprête à faire pousser des roses sur un tas de pouces. Je t'emmène à virer dans les rues de ma vie. Dans ce monde, j'purge ma peine. J'sais pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'ai crié ma prose dans les rues de la vie. Je t'emmène à virer dans les rues de ma vie. Dans ce monde, j'purge ma peine. J'sais pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'ai crié ma prose dans les rues de la vie. On est parti, j'étais pas un homme. Encore un merdeux, paix à son âme devant la somme d'emmerde. M'en pleurer pour deux. J'attrape mon arme, mes pieds poussent le béton à merveille. Ses larmes, je les ai pas vues, trop occupé à rien foutre. Quand la rue surveille, le sort te shoot ou te braque. J'ai rien trouvé de mieux, cramer des tas de flics, retourner la baraque. Dire que le destin nous a mal noté. Y'a rien de pire pour une mère que voir son fils mourir ou partir menotter. Ses marées d'anxion de délinquant, ce son fou droit, ça nique le mental. De voir son premier cadavre à 5 ans, maintenant je marche droit ou presque. J'ai trouvé un camp, béni mes proches, seul l'échec viendra assassiner ma fresque. Je serai pas criminel, parce que c'est ce que leurs statistiques disent. Le ciel nous vise depuis le péché originel, oublie les pronostics. Moi je t'offre une virée dans mes shoes. 2005, c'est arsenic, je vais pousser des roses sur un tas de bouche. Je t'emmène à virer dans les rues de ma ville. Dans ce monde, j'purge ma peine, j'sais pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'ai crié ma prose dans les rues de la ville, j'me confesse. Je t'emmène à virer dans les rues de ma ville. Dans ce monde, j'purge ma peine, j'sais pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'me confesse. J'ai crié ma prose dans les rues de la ville. Je t'emmène en virée dans les rues de ma vie. Dans ce monde, j'purge ma peine. J'ai pas combien de temps j'y ai tiré. J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close. J'ai crié ma prose dans les rues de la vie. Je me confesse. La vie est une pute. On est ces michetons à se vendre à shooter pour un bifton. C'est quoi le but? M'en dis pas trop, tu chutes. Mais ce qui t'a mis dedans, j'crois ni au hasard ni aux accidents. Je me confesse. De 0015 95 rue Borsalino. Je me confesse.